OK. C'est la dernière chronique du soccer à Chipougamau cette année. Je trouve ça plate parce que c'est le fun de faire des chroniques avec lui. C'est Yannick Harvey. Faire un peu le bilan de l'année du soccer à Chipougamau. Salut Yannick. Salut. Ouais, salut. Je trouve ça triste un peu. Mais on va se reprendre l'année prochaine. J'imagine que tu vas revenir à la présidence. À présidence, je ne sais pas si je vais être à présidence, mais on va garder contact, ça c'est certain. Je vais te parler du club de soccer, il n'y a pas de problème. Ça me fait un grand plaisir encore cette année. Ça fait que quoi? Ouais, deux ans, trois ans, qu'on collabore ensemble, puis t'as le tour. On communique ensemble, c'est très gratifiant, c'est bien plaisant de parler du soccer de notre coin de pays, du nord du Québec. Ben oui, parce que... Ce matin, on fait le bilan, mais là, on va quand même conclure là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y a bien des médias qui vont te donner une tribune toutes les semaines. Ah non, je suis là pour ça. Je te remercie beaucoup pour ce service-là que tu nous rends. Là. À toutes les semaines, impossible, c'est pas vrai. Ça, c'est de toute façon, je suis là pour ça, pour les organismes de sport qui n'ont pas une tribune, malheureusement. Hey, Yannick, on va faire le bilan de l'année au soccer à Chipougamau. Donc, une année positive encore? Ah, une année, je te dirais, toujours positive, encore plus positive que les dernières. C'est notre cinquième année d'existence comme club de soccer. Il y a eu encore des ajouts qui se sont faits au niveau du développement, puis des activités, entre autres. Si on parle, c'est sûr, au niveau de la saison locale, il y a encore des nouveaux membres qui sont ajoutés. On garde toujours le même nombre de membres, alors, et le même nombre d'effectifs aussi au niveau des bénévoles, des entraîneurs, des arbitres. C'est ce qui est intéressant. Il y a toujours un peu de nouveaux qui se rajoutent, soit chez les joueurs-joueuses, chez les bénévoles ou encore chez les entraîneurs, les arbitres. Mais c'est ce qui fait que, justement, ça amène de nouveaux esprits, de nouvelles collaborations, de nouvelles relations. C'est toujours intéressant. On se maintient toujours autour de 250 membres avec les arbitres. C'est bon pareil. C'est vraiment bon pour le petit. Ça, c'est toujours très bon. Puis, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, chez les bénévoles, ben on avait un exécutif cette année de 8 personnes, si je me rappelle bien. Et au niveau des entraîneurs, on était encore une douzaine d'entraîneurs pour l'ensemble des jeunes. Alors, à peu près un ratio là de 1 pour 10, 1 pour 12 jeunes, ce qui était excellent. Et du côté des arbitres, là, on avait une douzaine d'arbitres cette année là qui ont été formés dans les dernières années. Alors, bravo à toute cette gang-là, bravo aux jeunes qui ont joué cet été. Alors, au niveau local, la Ligue, pas la Ligue, mais le club s'est très bien tiré d'affaires. Ce qui est intéressant aussi, puis on en a parlé, nos jeunes ont participé quand même en grand nombre au tournoi qui a eu lieu ici. C'est sûr que les vacances, la construction, tout ça, ben ça affecte notre niveau de participation. Je pense que tous les clubs en ont ressenti aussi l'effet cette année. Cette année, on n'a pas eu de grosses températures extraordinaires, de grosses chaleurs. On les a là présentement. Ah, regarde. Mais est-ce que Yannick, vous êtes proche des réserves autochtones. Est-ce que le soccer dans les réserves autochtones, c'est populaire? Ben, présentement, je te dirais que non. Okay. Sauf que depuis qu'on est là, depuis 5 ans, le message commence à arriver dans les communautés autochtones. Alors, on parle de Mistissini, qui est à 45 minutes d'ici, une quarantaine de minutes de Oujibougoumou, qui est pas loin de Chapin. Ça, c'est les deux grandes, dans le fond, là, deux grandes communautés Cri, dans le nord du Québec. Puis, cette année, dans le club de soccer, il y a eu encore des inscriptions chez les Cri. Alors, qui arrivent avec nous, qui parlent trois langues. Leur troisième langue, c'est le français. Fait que quand on communique, des fois, ça prend des entraîneurs qui sont quand même bilingues parce qu'ils parlent un peu plus l'anglais que le français, mais ils sont capables de s'adapter. Puis nous autres aussi, de notre côté, chez nos entraîneurs, il y a une bonne adaptation. Fait que on prend tout le monde, puis on a beaucoup de plaisir. Ouais, mais est-ce que donc, est-ce que c'est un travail qu'il va falloir développer? Parce que ça c'est du membership encore davantage, ça, là. Effectivement. Nous, c'est sûr qu'à Chibougamau, c'est le club de Chibougamau. C'est pas le club du nord du Québec, parce que là, on fournirait pas non plus. Sauf que on invite, dans le fond, les gens à venir participer à nos activités. Puis, ça fait en sorte, dans le fond, de leur faire des initiés au soccer, de leur faire découvrir la discipline, de voir à quoi ressemble le club, comment qu'on est organisé, etc. Puis, il y a de plus en plus, justement, de parents qui nous demandent, ils nous disent « Hey, on peut-tu revenir l'an prochain? Est-ce que vous aimeriez ça venir faire une présentation chez nous? » J'ai eu la demande cette année, justement, d'un des parents qui s'occupe des loisirs sur la communauté autochtone. Puis, c'est quelque chose qu'on va regarder pour l'an prochain. Il y a beaucoup d'éléments, justement, qu'on va regarder. Entre autres, j'en ai parlé aussi concernant le tournoi. On pense peut-être le changer de date durant l'été pour pas qu'il tombe durant la semaine de la construction, puis durant le festival, puis d'autres activités ici à Chibougamau. On regarde aussi, parce qu'on a discuté avec certains entraîneurs, pour faire peut-être un camp de soccer d'une semaine. Alors, à ce moment-là, on se prendra un groupe de jeunes dans une catégorie d'âge, puis on les ferait évoluer pendant une semaine de temps à chaque journée, un petit peu comme un camp de hockey, où on aurait des pratiques sur le terrain, des pratiques à l'intérieur. On aurait peut-être des salles de classe aussi, on pourrait regarder des vidéos de soccer, okay, etc. Puis parler de soccer pendant une bonne semaine de temps, avec bien sûr un ou deux invités là de marque là, que les gens peuvent reconnaître. Je peux pas dire encore de nom, on n'a pas approché personne encore, mais c'est dans les idées, les nouveaux ajouts qu'on veut faire. Hey, j'ai Patrice Bernier comme invité aujourd'hui à De Radio Sport. Pour ce pays, ce serait un bon nom, ça? Ça serait très intéressant. Tu vois, là, il pourrait venir une journée, un genre de flying, fly-out. Ouais. On pourrait s'organiser avec Air Québec. Il arriverait à l'aéroport Chibougamau, mettons, durant une des journées du camp. Ferait une petite conférence le matin, là, jusqu'à une demi-heure, 45 minutes, une heure, là. Puis dans l'après-midi, signature, puis peut-être une petite partie avec les jeunes qui sont présents. Non, ça serait extraordinaire. Patrice Bernier comme invité, ce serait vraiment incroyable. Hey, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce qu'au hockey, c'est sûr, vous êtes beaucoup plus avancés, ils sont plus avancés que vous autres, mais eux autres, ils travaillent beaucoup avec les réserves autochtones et ainsi de suite. Oui. D'ailleurs, justement, j'ai eu vent qu'il y avait eu une école de hockey qui est montée, je pense, de Montréal, quelque chose comme ça, d'un ancien, là, comment il s'appelle? J'ai son visage, excuse-moi. Celui qui mangeait les bandes pour le Canadien. Steve Bégin? Oui, Steve Bégin, qui était là, il n'y a pas longtemps, je pense à Oujibou. Le soccer intérieur, c'est-tu quelque chose, parce que là, ça se développe, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez travailler? Oui, on le travaille, ça fait plusieurs années qu'on le travaille, on le travaille à tous les ans, on a une période d'inscription au début septembre, puis chez nous, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un paiement, alors une session hiver, puis une session automne-hiver, dans le fond, on fait juste un paiement à l'inscription, puis les enfants sont inscrits. C'est certain que notre gros groupe d'âge, là c'est les 7-8 ans, puis les 9-10 ans à la session d'hiver, automne-hiver, pardon. Alors, soccer intérieur. Par contre, c'est certain que des sports d'hiver, la braquette là, de sport, là, de loisirs est très large l'hiver. Il y a de la natation, il y a du patinage artistique, il y a le hockey, bien entendu, où il y a beaucoup de garçons qui vont s'inscrire au hockey. Ce qui fait en sorte que le membership est un petit peu moins gros que le 250 là qu'on a durant l'été. On tombe peut-être à un membership là, autour d'une quarantaine, une cinquantaine là, avec les adultes. Ça va quand même assez pas pire. L'an prochain, c'est quoi vos prévisions pour l'an prochain? Est-ce que c'est d'amener encore plus d'équipes au niveau des autres formations, du circuit de l'ARS? Cette année, ce qu'on avait voulu faire pour tout dire là, c'est que on voulait amener une équipe de U10 et une équipe de U12 en ligue régionale plus une équipe de seniors. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé avec une équipe de U12 complète et une équipe de seniors. Alors on a eu deux équipes comparativement à l'an passé où ce qu'on avait seulement qu'une équipe en U10. Nous, ce qu'on fait pour l'an prochain, en tout cas les prévisions, c'est qu'on va retenter le terrain dans le fond pour avoir le plus d'équipes possible. Je peux pas te dire combien. C'est certain qu'au niveau du calendrier, puis ça, je t'en ai parlé cette année, bien, on va essayer de changer ça un peu parce que c'est très désavantageux. La plupart de nos défaites se résument à nos deuxièmes matchs dans une même journée. Quand on regarde chez les adultes, là, on a 5 défaites, puis on a joué 5 journées avec 5 deuxièmes matchs, puis ça s'est adonné que nos deuxièmes matchs, c'est toutes des défaites. Ouais. Fait qu'il va falloir parler avec l'ARS, il va falloir regarder de ce côté-là. Mais on tire un bilan très positif. On veut remercier aussi toutes les équipes qui se sont déplacées, des équipes qui sont venues de la baie, de Chicoutimi, d'Alma, des équipes de Saint-Ambroise, des équipes de Dolbeau, de Robertval. Alors, à toutes ces équipes-là, un gros merci pour être venu à Chibougamau. Puis ça nous fait plaisir d'aller jouer chez vous, là, puis de se déplacer, puis d'aller vous rencontrer, vous serrer à la pince. Allez, en terminant, tu l'as parlé, tu sais pas si tu reviens à président, c'est quoi le problème? Ah, il y a pas de problème, c'est juste que... c'est qu'on veut passer le flambeau tranquillement, okay. Comme dans d'autres organisations. Ben, mes enfants vieillissent aussi, okay. Puis... on veut avoir un peu plus de temps. L'été prochain, j'ai l'intention de prendre peut-être quelques semaines de vacances. Ouais. Je dis pas que je serai pas au club de soccer, c'est juste que pendant peut-être 2, 3, peut-être 4 semaines, je serai pas à Chibougamau. Ben, tu l'as, mais si tu l'as fait, c'est ça? J'ai l'intention de voyager un petit peu, là. Okay. Ça fait 5 ans que je m'occupe du club de soccer à temps plein, que je voyage pas beaucoup l'été, je pars une semaine dans la construction, puis des fois deux, dépendamment là, du temps. Cet été, c'était deux, puis j'ai trouvé que j'avais pas assez voyagé à mon goût, puis on a des choses à faire avec les enfants, tout ça, puis avec ma blonde. Là, ma blonde, elle trouve que j'en prends aussi. Ma blonde, d'ailleurs, elle travaille avec moi aussi dans le club de soccer depuis quelques années, puis elle travaille à doublement le temps qu'on travaille avec moi, ça implique beaucoup. Fait qu'on veut peut-être prendre une petite pause sans tout arrêter. Je veux continuer d'entraîner les jeunes, puis arbitrer quelques matchs ici et là si l'occasion. Okay. Ben Yannick, on va se reparler quand même parce que l'Assemblée générale est bientôt, puis le méritance également. Fait que l'Assemblée générale, c'est... Ouais, ben ouais. Effectivement, chez nous, je sais qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec l'association régionale, il y a le ballon d'excellence, je pense le gala ballon d'excellence, quelque chose comme ça. Chez nous, on en fait un gala méritas pour les jeunes de notre organisation. Alors, si j'ai regardé présentement pour les dates, puis ça va tourner aux alentours du samedi 12. OK, c'est que je vois. Alors, dans toutes les catégories, les jeunes reçoivent des prix pour l'esprit sportif, pour avoir été des athlètes par excellence. Mm. Les buteurs, les défenseurs, les gardiens, l'entraîneur de l'année, bénévole de l'année, ces choses-là. Alors, tout ça se passe le 12 septembre chez nous. OK, fait que nous, on va s'en reparler à ce moment-là. Yannick Harvey, le président de l'association de soccer de... Ben, ça fait...